Ézéchiel chapitre 19. Et toi, prononce à haute voix une complainte touchant les principaux d'Israël, et dis, qu'était-ce de ta mère? C'était une lionne qui agitait entre les lions, et qui a élevé ses petits parmi les lionceaux, et elle a fait croître un de ses petits, qui est devenu un lionceau, et qui a appris à déchirer la proie, tellement qu'il a dévoré les hommes. Les nations en ont ouï parler, il a été attrapé en leur fosse, et elles l'ont emmené avec des boucles au pays d'Égypte. Puis, ayant vu qu'elle avait attendu, et que son attente était perdue, elle a pris un autre de ses petits, et elle en a fait un lionceau. Qui, marchant parmi les lions est devenu un lionceau, et a appris à déchirer la proie, tellement qu'il a dévoré les hommes. Il a désolé leur palais, et il a ravagé leur ville, de sorte que le pays, et tout ce qui y est, a été épouvanté par le cri de son rugissement. Et les nations ont été rangées contre lui, de toutes les provinces, et elles ont étendu leur raie contre lui, il a été attrapé en leur fosse. Puis ils l'ont enfermé et enchaîné, pour l'amener au roi de Babylone, et le mettre en une forteresse, afin que sa voix ne fût plus ouïe sur les montagnes d'Israël. Ta mère était en ton sang comme une vigne plantée auprès des eaux, et elle est devenue chargée de fruits et de rameaux, à cause des grandes eaux. Et elle a eu des verges fortes pour en faire des sceptres de dominateurs, et son tronc s'était élevé jusqu'à ses branches touffues, et elle a été vue en sa hauteur avec la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur, et jetée par terre, et le vent d'Orient a séché son fruit, ses verges fortes ont été rompues, et ont séché, le feu les a consumées. Et maintenant elle est plantée au désert, en une terre sèche et aride. Et le feu est sorti d'une verge de ses branches, et a consumé son fruit, et il n'y a point eu en elle de verge forte pour en faire un sceptre à dominer. C'est ici la complainte, et on s'en servira pour complainte.